Les éditions de l'Avenir présentent Le Progrès de l'Est, volume 1, numéro 4, du samedi 15 septembre 1883. Page 8, colonne 2. Un comble. Le Fin-Fin, qui rédige les notes locales du pionnier, annonce le départ de son roi et maître pour l'Europe à son de trompe. On voit que cet événement a fait tourner la tête du personnel de l'établissement, chose facile du reste. Ainsi, il dit que le conseil a accordé avec grand plaisir un congé d'absence de 3 mois à l'illustre voyageur. Vous voyez d'ici l'effet de ce grand plaisir. Qui sait, le conseil a peut-être fait comme les mamans qui envoient avec grand plaisir leurs enfants pour s'en débarrasser. Mais ce n'est pas tout. Le pionnier souhaite de tout cœur à son fondateur un bon et heureux voyage. Le pionnier qui souhaite de tout cœur à son fondateur, allons, en voilà une bonne. On sait combien ils s'aiment, ces messieurs. Oh, puis... Le fondateur, ça c'est un comble, par exemple. Ça bat 4 ans de 98%. Oui, fondateur du pionnier, comme est organiste le souffleur d'orgue, comme est journaliste le tourneur de la presse. Voyons, l'ami Cyprien, on connaît vos tours de force, mais de grâce, n'y allez pas avec tant de zèle. Gérant, tu dors, ton moulin va trop vite. Gérant, tu dors, ton moulin va trop fort. Signé Lustucru. Cet enregistrement est diffusé sous licence Creative Commons Attribution Non-Commercial Share Alike et est une production 2014 des Éditions de l'Avenir. Pour tout connaître de nos productions, visitez l'avenir audio.canalblog.com. Merci de votre attention et à bientôt.